Le comité préparatoire ougandais pour la journée du soleil est constitué le 31 mars à Kampala. Il a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles, comme séminaires et conférences, pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits mortels du président Kim Il-sung.